بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 21e leçon, première partie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, as-salatu was-salam ala nabina Muhammad wa ahli wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawm al-din amma ba'd. نأخذ الأسئلة من الدرس العشرين. أولا، لماذا تأخر أسامة؟ لأنه تاب لأداء الوضوء. من الذي تلقى رسالة من والده؟ موسى. لماذا تخلف عثمان رضي الله عنه عن معركة بدر؟ لأن زوجته رقية مريضة. كانت مريضة. رابعا، متى تزوج عثمان رضي الله عنه أم كلثوم رضي الله عنها؟ تزوجها إذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر. طيب، فأخذنا نحن ماذا؟ وزن تفاعل، ورأينا الفرق بين فعل وتفاعل. فعل يعني في تعدي، لا يعني في المعنى الأصلي، يعني مثلا تقول علمتك كذا وكذا وكذا، علمتك الفقه، مش تعصني الفقه. إذا واستفعل تقول تعلمت الفقه، ستوى كي أقل الفقه، هم؟ أن يرجع عليك. هذا الفرق بين فعل وتفعل. ثم نعم، استخرج من الدرس الأفعال الواردة فيه من باب تفاعل. تأخرت، توضأ، تقليت، تزوج، تلقيت لم يكن الكف، سمعت تقليت، تلقيت بدفوت شنو لم يكن الكف تلقيت. أنا شو أقول؟ تقليتو، ذكرتني؟ نعم. نعم، تلقيتو. تزوج ثلاثة. تخلف، تخبر. تمام. تذكر مرة تكلمنا عن الفعل ألقى، قلنا عن موسى عليه السلام ألقى الألواح. نعم. سألت الشيخ محمد بن هزام وهو يقول أنه هنا معنى ألقى معنى لا معنى رمى بها. لأن جاء حديث lui il voit que c'est le sens de ou lâcher ou jeter. Ce qui est un hadith qu'on est laisse le khabar al muayyan, c'est-à-dire la chose, le visible n'est pas comme la chose entendue. Ce que tu vois, c'est pas comme ce que tu entends. Il y a la mara Moussa ben Israël yani Abad al-Ijl l'aqa al-alwah fal-kasarat. C'est-à-dire, c'est déposé, ce serait pas passé comme ça, tu vois. Donc apparemment, le marna, c'est, je dis au chien, mais c'est un prophète, comment... Je suis dans la colère, tu vois. Je suis de tout le radab, il y a ni Al-Qaha ou Al-Kasarat. Donc lui, il voit que le marna, chien, lui, il voit que y a, le marna, il passe bien Tara Hakaza. C'est un khilaf, tu vois, apparemment. Mais le chien Mohamed, j'ai demandé, il m'a dit Al-Qaha, Al-Qaha, oui. Yani c'est lui voit dans le verset là, c'est les annoncés quoi. C'est Al-Qa. Hmm? C'est Al-Qa ou Laqa? Laqa. J'ai marqué Al-Qa. Al-Qa, le P. Là, c'est Al-Qa. Non. Donc lui il voit Al-Qa. Faut que je regarde dans le kitab de Sharbaran sur le Marani, sur le Coran. Je crois que j'ai regardé, je n'ai pas regardé. On voit comment lui voit le Al-Qa, qu'est-ce qu'il dit. Non, le hadith, il y a plusieurs raisons. Il y a le khabar comme moyen ou comme moyen. C'est-à-dire, c'est le corps d'une chose, c'est pas comme celui qui l'a vécu ou qui l'a vu. Notre profil. الدرس الحادي وعشرين هو يتعلق بوزن جديد وتفاعل. الأخير كان ماذا؟ تفاعل. الآن هو تفاعل أي ت زائد فاعل. Donc maintenant ça fait quoi? Ça fait plusieurs auxiliaires qu'on a pris. On a pris fa'ala et toutes ces awal. On a pris af'ala. On a pris fa'ala. Ça c'est tout ce qui est mazid. On a pris aussi fa'ala. Et dans le soulasi mujarrad, on a pris fa'ala. Mais les marna, ils ne s'additionnent pas d'ailleurs. Tartadif, tartadif. Tartadif, ma'i, tartadif. On a pris ces bad ma'ani, normalement ça peut être plus large encore. Ça peut être encore plus précis que ça, les sens. On a pris les ma'ani qui sont d'origine. Donc on a pris quoi? Foulas Moujabad, fa'ala. Avec tous ces abouades. On a pris, en mazid foulasi, fa'ala. On a pris fa'ala. Et on a pris af'ala. Trois. Maintenant, dans le khumasi, on a pris quoi? Tafa'ala. C'est ta zaïd fa'ala. Aujourd'hui, on raconte quoi? Ta fa'ala. C'est ta zaïd fa'ala. Tamam. Sa'akara al-mudarris. Ou anta, ta'akara ghayra. Yaqul. Amma tatasa'aluna ya ikhwan. A propos de quoi? Vous vous interrogez, ou les frères? Natasa'alun anil imtihan kifa yakun. أسهلة تكون الأسئلة أم صعبة أم صعبة؟ أنستطيع أن ننجح بتقدير ممتاز أم لا؟ Donc il dit, nous nous interrogeons à propos de l'examen. Comment sera-t-il? Est-ce que les questions seront dures ou faciles? Ou plutôt, il y a un livre littéralement, c'est est-ce que faciles seront les questions ou dures? Non, on ne dit pas comme ça. Donc on dit est-ce que les questions seront faciles ou dures? Et est-ce que nous pourrons réussir avec de bons résultats ou non? اطمئنوا يا إخوان سيكون الامتحان سهلا إن شاء الله راجعوا الدروس وتعاونوا ولا تتكاسلوا. Donc il dit rassurez-vous les frères. اطمئنوا c'est se rassurer. L'examen sera facile إن شاء الله. Révisez les cours, entraidez-vous et ne soyez pas fainéants. لا تتكاسلوا c'est soyez pas fainéants. نحن خائفون يا أستاذ. قضينا السنة كلها في اللهو واللعب. يا ليتنا اجتهدنا طوال العام كما نجتهد الآن قبيل الامتحان. Donc il dit, nous avons peur au professeur. خائفوا في اسفل de خافا يخافوا. قضينا السنة كلها في اللهو واللعب. قضينا c'est dans la semaine de Qada. À la base Qada ça peut être jugé. Qada ala, ça peut être achevé, tuer quelqu'un. C'est aussi qada, ça c'est que par exemple tu dis qada et tout. Yomifikaza, j'ai passé ma journée à faire telle chose. C'est ça qui veut dire, c'est passé. Dans une chose. Pas passé marra. Passer le temps dans une chose, tu vois. Nous avons passé toute l'année dans la distraction et le jeu. Lahou, c'est distraction et l'aïb marlouf. Ô pauvres de nous, que nous ayons fait des efforts tout le long de l'année comme nous faisons des efforts. Maintenant, juste avant l'examen. Il y a Nitawel, là c'est le long de. Long de l'année, en fait, tu veux dire. Et Koubeil, c'est l'isme Moussarrad de Qabl. Donc c'est un petit peu avant, en fait. Il va faire comprendre que maintenant, l'imtihan il arrive, donc c'est là que, juste avant l'imtihan, c'est là qu'il faut en racheter Had. Dans le siakoul. Ou Aya Leitana, ça va bien. Parmi la Khawat Inna, c'est pauvre de nous, dommage, hélas. كونوا متفائلين ولا تكونوا متشائمين لا داعي للخوف فإنكم طلاب مجتهدون والحمد لله لابد من الثقة بأنفسكم ما لك تتثاءب تتأثب تتثاءب عفوا تتثاءب يا أبا بكر. Donc il dit soyez optimiste. تفاءل c'est optimiste. Là c'est un isme فاعل. تفاءل بالهمزة. نعم تفاءل. تفاءل c'est optimiste. Et mutafa'il, c'est l'isme fa'il. L'isme fa'il. La takounou mutasha'imin, c'est le contraire, ne soyez pas pessimiste. Nul besoin d'avoir peur. La da'ya al-khawf, il n'y a pas lieu d'avoir peur. car vous êtes certes des étudiants studieux. Et la louange est à Allah. Il est obligatoire, il vous est obligatoire d'avoir confiance en vous. La Bouddha Ma'alouf. Vous voyez, c'est que dans le sens obligatoire de. Ou elle sait quoi, c'est la confiance. Mais il faut s'y couvrir en vous-même. Ma'alaka tata'ab ya babak, que t'arrive-t-il à bailler? Tata'aba, ça c'est bailler. Tanawaltu dawa ba'd al-futur. Yabdu annahu. Donc il dit, j'ai pris un médicament après, enfin tout, c'est le déjeuner, le petit déjeuner, on va dire. Et il apparaît que il est, pas somnifère, somnifère. Il fait dormir, quoi. En tout cas, on peut dire somnifère aussi. Je pense que c'est plus logique somnifère. Allah Allah. Dikha, Inch'Allah. Wotanawala, on a dit, c'est prendre quelque chose, cueillir quelque chose. Manger. Aussi manger, ouais. Ah non, non, enfin, quand tu tanawala, tu le ravais, c'est j'ai pris le déjeuner, en fait. Ah ouais. Tu vois. Il va dans le rôle fatigue ou astariha. Va dans ta chambre et repose-toi. Astariha, c'est le firam du staraha et astariha. Et après, joue Abu Bakr. Abu Bakr sort. Donc il dit au professeur, certes, ces deux étudiants se disputent tout le temps. Ce que Ali. Tacha Jara, c'est ce que je laisse disputer. J'espère que tu les conseilleras. Il est deux. Lima, un Tacha Jour, il y a Hamid. Pourquoi la dispute ou la querelle ou Hamid? Car Abbas ne cesse de me dire au borgne. Awar, c'est un borgne. Wawayab, afin que tu aies aussi l'Arbès. Wawayakululi ya Araj. Et lui, il me dit, au boiteux. Araj, c'est boiteux. Alhamdulillah, tu vois, moi, les toilettes de Moussoumoun, quand ils s'insultent, c'est gentil. Hein. À l'école, quand ils s'insultent les étudiants en classe, c'est pas ça. C'est pas où bord du boiteux, c'est la mère qui en prend un coup, le père qui en prend un coup. Il y a beaucoup qui prennent. Là, ça, c'est gentil, enfin, entre eux. Mdoris yaqul la yajuzu hada ya akhawayya ama sami'tu ma qulahu ta'ala fi surat al-hujurat wa la tanabazu bil alqab wal tanabuz wa an yad'a ba'duna ba'dan bil laqab as-su la yanbaghi lil muslimin an yatanabazu faqad nahana Allah tabaraka wa ta'ala anhu wa sammahu fusuqa fatuba ila Allah wastaghfirah. Donc il dit, n'est pas permis, cela n'est pas permis aux mes deux frères. N'avez-vous pas entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la surat al-hujurat, les appartements, dans le sens relatif approché, et ne vous lancez pas ni des sobriquets, ni des surnoms. Car le fait de se donner des surnoms, des sobriquets, c'est en fait le tana'abuz, c'est le mansdar, c'est le fait que chacun d'entre nous se nomme par des surnoms ou des sobriquets. Il ne convient pas aux musulmans d'agir de la sorte, de se lancer des sobriquets. Comme il répète le même verbe, en français c'est pas. Comment c'est? L'aqab, c'est. L'aqab, c'est surnom. Mais un surnom, c'est pas forcément mal, un surnom. Mais sobriquet, c'est plus. Tu vois? Alors je te dis. Ton surnom, par exemple, c'est. Les gens, je sais pas. Boiteux, par exemple. Là, c'est plus une. Ça dépend. Si vraiment c'est un boiteux qui est connu pour ça, t'acceptes, il n'y a pas de mal. Mm. Alors, maintenant, si tu ne boites pas, mais genre, je sais pas moi, tu as une démarche où il t'arrive une chose et qu'il y a le boiteux, tu vois, c'est pas un surnom là, parce que t'as. Mm. Ça peut être une moquerie envers toi. Mm. Ah, mais je sais pas, on t'appelle par exemple, il y a la pharmacie. C'est un ensemble à la base, ça peut être aussi un ensemble. T'es français à la base pour de vrai, mais il y a le pharmacie, t'es connu comme ça. Par exemple, t'as un pays, ici où t'as des mèches, on dit tu vas avec toi. Je t'appelle Yann Pharmacie, soit t'es un ensemble. Tu vois, il n'y a pas de tort dedans, il n'y a aucun mal dedans. Alors que le sobriquet, c'est plus ça peut être moqueur. Je parle en français, un mal ensemble dans l'arabe, ça, il a tous les deux. Le surnom, le sobriquet ou une sifa qui t'est propre. La même chose, c'est que si on t'appelle par un locode, si tu l'agrées, il n'y a pas de problème. Alors vraiment, si tu t'appelles, t'es, t'es Awa, vraiment un borgne, et t'es connu pour ça, ça te dérange pas, les gens t'appellent Foulen el Awa, il n'y a pas de mal. Maintenant, si t'aimes pas ça, ça te vexe, mais il y a chose. Allah nous a interdit cela et a appelé cela perversion. Foussou, hein. Alors reportez-vous à Allah et demandez-lui pardon. Nous nous reportons à Allah et nous demandons pardon. Awaddu an tatasafaha. Et tatasafahan. Donc j'aimerais que vous saliez la main. Et il se serre la main. Wadda yawuddu, c'est aimer quelque chose. Mais pas le sens mahabba. Wadda. Ouais. Quand tu dis Awaddu kaza wa kaza, c'est j'aimerais telle chose. Yawaddu. يود أحدهم يعمروا الفسادات وما هو بمزاحهم من العذاب أن يعمر. لا أنتوا أبغيت ميلان. نعم. نعم. هذا تبين شو تبغى. بس بقى حب حبة. أرجو أن تسمح لي بانصراف فإنني أشعر بتعب بتعب شديد. J'espère que tu me permettras de partir car je ressens une forte fatigue. Prends garde à ne faire la comédie d'être malade, ou Ali. Tamarad, il veut dire quoi de faire semblant d'être malade? Tamarad, ça veut dire quoi? Tamarad, c'est se rendre malade. Tu ne l'es pas, tu ne fais pas que tu es malade. C'est parmi les ma'ani de tafa'al al-fa'am, inshallah. A'ouzou billah an akouna min al-kadibin. Et on cherche le refuge auprès d'Allah d'être parmi les menteurs. Idhab, shafak Allah. Vas-y, qu'Allah te guérisse. Ya Ustaz, nushiku an natajar raja, natakhar raja, nuridu an nata'allama tariqatul bahthi anil... Tariqata. Tariqatul bahthi anil kalimati fil mu'ajam. Dis au professeur, nous sommes sur le point de, yani on va dire de, d'achever nos études, de sortir de la jami'a. C'est ça qu'il veut dire. Nous aimerions apprendre... la méthode de recherche des mots dans le dictionnaire. Il s'agit là d'une bonne idée. C'est quoi ce lem là? La fikratun, ma hadi lem? L'ibtida. La, muzahlaqa. Sa'ad'u fi maktabi mu'jaman. Wa sayakunu fi mutanawil aydikum inshallah. Donc il dit, je vais poser dans mon bureau un dictionnaire, il sera à vos portée de main, de vos mains, Inch'Allah. À votre disposition, par Dieu, c'est là. Moutanawal, c'est des dispositions. Là, dans cette phrase-là, on dira. Alors, après, c'est à portée de main, tu puisses le saisir. Mm. Ce qui veut dire quoi, c'est qu'il est à disposition. On dit bien quoi, la jibana asil al-ati, la des al-ati. Amma tasa'ilu tulab. À propos de quoi s'interroge les élèves. Imaza tasa'aba Abu Bakr. Pourquoi est-ce que Abu Bakr baille ou a baillé? Maza yakulu Abbasun li Hamid. Ou maza yakulu Hamidun li Abbas. Qu'est-ce que Abbas dit à Hamid et qu'est-ce que Hamid dit à Abbas? Rabi'an. Ma al-tanabuz. Maza sammahu Allah. Fi ay ayatin nahana Allah anhu. Donc il dit, qu'est-ce que le tanabuz? Comment est-ce que Allah l'a nommé? Et dans quel verset Allah nous a interdit, nous l'a interdit? Khamisan, ma fikratus mas'oud, quelle est l'idée de mas'oud? Akabila mudar risu adil fikra, et est-ce que le professeur a accepté cette idée? Non. Hadil asila, le dars al-ati. Thumma, yaqul. من أبواب الفعل الثلاثي المزيد باب تفاعل يعني ت زائد فاعل. Donc parmi les catégories du ثلاثي المزيد nous avons le وزن تفاعل, c'est un ت attaché à فاعل. زيدت فيه تاء قبل الفاء والف بعدها. Nous avons ajouté un ت avant le فاء et un لف après, c'est-à-dire après le فاء. نحو تعاونا وتشاجرا. تعاونا qui veut dire s'entraider. تشاجرا c'est dire se disputer. يقول استخرجنا الدرس الأفعال الوالدة في من باب تفاعل هذا كذلك درس آتي صوت كو tous les verbes cités qui sont sur le وزن تفاعل يقول تأمل المثال ثم هات المضارع والأمر والمصدر من الأفعال الآتية médite sur les exemples ou sur l'exemple ensuite donne le présent ainsi que le, l'ordre ou l'impératif et le masdar des verbes suivants أولا تناول على وزن تفاعل هذا الماضي المضارع يتناول على وزن تفاعل الأمر تناول على وزن تفاعل والمصدر تناول على وزن تفاعل شو كيف صار متفاعل فكل ساعة ما تلبس شدة طيب تعاون صوت غدي يتعاون نعم تعاون تساءل تساءل نعم تشاجر نعم تباكى سفير بلوري تباكي تعامى يقول حط اسم الفاعل من الافعال الاتيه دونك دون لي اسم فاعل ديال السيفون سي لو ميم شوز Tu mets un mime madmouma au début et une kasra avant la fin du verbe. Ma'za ala waz tafa'ala. Ça veut dire quoi son fa'il? Mutafa'il. Mutafa'il. Tayyib. Mutafa'il. Tafa'ala. Yatafa'alu. Mutafa'il. Mutafa'il. Afwan, attends. Tafa'ala. Yatafa'alu. Aïdou. Mutafa'il. Salam alaikum. Non, ça c'est être optimiste, on a dit. Tasha'ama, tasha'amu, à l'axe. Mutasha'im. Non. Sha'im. Pessimiste, à l'axe. Ta'awana, ta'awun. Muta'awin. Non. Tamam. Thumma yaqul. Min ma'ani bab tafa'ala al-musharaka. نحو تعاون الطلاب تصافح الناس من parmi les sens de tafa'ala il y a la participation un échange مثلا تعاون الطلاب les élèves sont entraînés entre eux تصافح الناس les gens se sont serrés la main entre eux même c'est une action commune en groupe مثلا هذا من معاني في معاني اخرى كاين هذه المعاني الاصليه ومنها إظهار ما ليس في الباطن. Également parmi ces sens de faire apparaître une chose contraire à l'intérieur. مثلا تقول تمارض طالب أي أظهر المرض وليس في ليس به مرض. Donc تمارض c'est que l'étudiant fait la comédie semblant d'être malade. Il fait apparaître qu'il est malade alors qu'il ne l'est pas en vrai. تمارض. مثلا تقول فلان أنسيت هذا أو تتناسى؟ هل كنت تنسى أو تتفى تنسى هذه الأشياء؟ أفعل سمعًا أفعل أو للولد يا ولد هل تبكي أو تتباكى؟ هل كنت تبكي أو تتفى تبكي؟ تتفى تبكي نحو هذا تأمل أمثلة الآتية لباب تفاعل وعين فيها الماضي والمضارع والأمر المصدر واسم الفاعل واسمي المكان والزمان Donc il dit, médite l'exemple suivant, du waz tafa'ala, il désigne ce qu'il y a comme mardi et mudari, et l'am, le masdar, et l'ism fa'il, et les ism mekan, ism zaman, qui eux deviennent, si on voit, l'ism mafa'ul, avec une fatha, voilà. تفضل. قال تبارك وتعالى أما يتساءلون عن النبأ العظيم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette sourate prochaine à propos de quoi s'interroge-t-il, à propos de la grande nouvelle. يتساءلون في المضارع. نعم. قال الطبيب تناول قرصين من هذا الدواء بعد الغداء. Donc le docteur m'a dit, le médecin m'a dit, prends deux pilules, on va dire, ou deux capsules, je pense que c'est deux capsules, de ce médicament après le déjeuner. Tanawal, c'est Am. Am, naam. Qala al-tabib li Ahmad, ma anta marida, inna ma anta mutamarid. Donc le médecin a dit Ahmed, tu n'es pas malade, juste tu fais semblant d'être malade, tu fais la comédie. Una maridan ma'arabu, ma anta maridan. نعم تعمل عمل ليس أفنت رابعا متمارد اسم فاعل نعم لا يجوز تنابز بالألقاب il n'est pas permis de se lancer les sobriquets التنابز المصدر نعم أتبكي أم تتباكي يا ولد تباكى تتباكى يا ولد Est-ce que tu pleures ou tu te forces à pleurer ou enfant Tatabaka Mudari. Ah, Mudari. Bayam Bari Tanaoul Al-Adouya Biraili Mashouratin. Mashouratin Tabib. Il ne convient pas de prendre des médicaments sans consultation du docteur, du médecin. تناول مصدر نعم تناوى مجاسوس وسمع كلام الناس donc l'espion a fait semblant de dormir et a entendu la parole des gens تناوى ما في الماضي نعم تشاجر هؤلاء وتضاربوا ceux-là se sont disputés et se sont bagarrés. Se sont frappés, quoi. Ils ont fait semblant, cette frappe. Là, c'est Moucharaka. C'est comme Ta'awana. Ils sont frappés les uns les autres. Ah, d'accord. Moudaraba, c'est une bagarre. Moudaraba, c'est une bagarre. Tashajara fil mardi ou Tadarabu mardi. Non. Zakar Rajul, laisse bien en ma innama. Il dit, cet homme n'est pas aveugle, juste il se fait passer pour un aveugle afin que les gens lui donnent la charité. أن لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال. لا ينير رمسي أن لا تترك. يا وصف. ومن دمّا. Il est obligatoire de ne pas laisser des médicaments à portée de main des enfants. متناول اسم مكان. نعم. طيب. وثالثا يقول يجوز حذف إحدى العين من تتفاعل كما في الأمثلة الآتية. Comme dans تفاعل, تفاعل, tu peux quand tu viens avec le خاطب أو le roi du مؤنث المفرد, tu peux enlever le ta, l'un des deux ta. مضارع. مثلا لا تنابزوا بالألقاب. تنابزوا أصله تتنابزوا. Là on enlève un ta. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم على الاسم والعدوان. Traitez-vous dans la piété et l'obéissance ou l'obéissance et la piété et ne vous entraînez pas dans le péché et la désobéissance. فلا تعاونوا اصله لا تتعاونوا. لا تتعاونوا. Tu vois, quand on chante les deux, c'est un peu dur à prononcer. Il y a un fécond sur la langue. Et parmi les forêts des langues arabes, ce qu'ils aiment, c'est les khafif. Ils aiment les khifa, les yaza, les jouz, les haf, et les tataï. ثالثا وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا. Nous avons fait de vous des peuples, des tribus, afin que vous vous reconnaissiez les uns entre les autres. لتعارفوا أصله لتتعارفوا. Et parmi le tafsir de ce verset, شعوبا ou شعوبا et قبائل, قبائل c'est les Arabes. C'est les Arabes. Non, mais شعوبا c'est tout ce qui est pas arabe, arabe. À la base des tribus, c'est chez les Arabes, tu le trouves, vraiment. C'est tout ce qui n'est pas arabe, c'est des peuples, des nations, comme on dit. Voilà. Ça, c'est parmi l'un des tafsirs de ce verset. Non. Ma foi, voilà, tafa'ala. Non. Sabi'an. Leïtana ijtahadna. Leïta minahawad inna. وتفيدو تمني. Donc ليتاس parmi les sœurs de إنّا. تنصيب الاسم ترفع الخبر. On a pris quoi jusqu'à présent? On a pris إنّا, أنّا. On a pris كأنّا. Et on a pris quoi d'autre? أوشكا. لا أوشكا c'est أخو كان. إنّا. لكننا on a pris. Et لعلّا. C'est le dernier, Leïda. 106. Inna wa anna. Les deux, c'est les mêmes, juste que la différence, c'est leur place dans la phrase. La kinna, istirak. Ka anna, tajbir. La alla, taradji. Et maintenant, Leïda, tamanni. Wa tawa, pourquoi? Non, tawa, course dans les la alla. Ou l'ishfaq, le fait de craindre une chose, d'anticiper une chose. Al-Matamani, c'est juste dans l'Aïta. Al-Matamani, Al-Talab, Ma'ala, Tama'afihi, Oma'fi'ufra. C'est le fait de désirer une chose qui n'est pas réalisable ou qui est une difficulté. Al-Matamani. Masalan, Al-Aïta, Al-Shabab, Ya'oud. Hélas, que la jeunesse ne revienne. Al-Matamani, Al-Aïta, Al-Harf, Tamani. C'est-à-dire, on désespère, non? C'est quoi le. Ben, on espère, Leïta. Il y a un espoir, mais c'est l'espoir d'une chose qui est très dure à obtenir ou qui est impossible. On a Leïta, Harf, Tamanni. Mais venu à la fatha. La mahla lahu, min al-Arab. Al-Shabab, ism Leïta, mansoub biha. Wa alamatu nasbihi, al-Fatha, zahira al-Akhili. Wa yi'oud, al-Fa'il, al-Fi'il, al-Akhon. Mudari'a, marfou, al-Tajarroudi, al-Nasib, al-Jazim. وعرمته رفعي الضماء ظاهرة آخره وفعله ضمير فتير وجواز تقديره هو والجملة اسمية في محل رفع خبر ليتا. ثانيا ليتا أمي لم تلدني. طيب كما مير نمي أنفطي إلاس كما مير نمي أنفطي مالور. Ouais, des fois je veux dire malheur, ça dépend de... Yes, il y a quelques kalam. Thalithan. Leitani ta'irun atiru fil jaw. Dommage que je ne sois un oiseau afin que je vole. Vous voyez, dans les airs. Rabian. Leitani million d'orar. Pauvre demain que je n'ai un million de dollars. La ala ou khayrak. Est-ce que ce sera bien pour toi? Tu les aurais, tu les aurais. Tu verras parce que. C'est Allah qui t'a pas donné parce que tu peux faire du mal avec. C'est vrai que des fois, là, je les avoir. On a beau dire ça, au fond, le nef, ça y est, il va les avoir. Khamisan. Sayakul kafiru yom al-qiyama yalitani kuntu turaba. Donc le kafir dira, le jour du jugement, pauvre de moi que je n'étais de la terre. Par la peur du châtiment qu'il attend. Il en serait de la terre. Atri leita al-jumal atiya. Entre Leïta dans les phrases suivantes. Leïta, Hamidan Hay. Hélas, que Hamid est vivant. Leïta. Leïta. Leïta, Leïta, l'outla tout saïf. Ma fille, il y a des problèmes. ليت أكلت السيف أكلتا ليت أكلتا أيضا ليت أكلتا السيف لا تنتهي إلى أسكو اللي بكون ستين وثمانين بعد العادة بس أفكاكو نباليكو أرسا عم التربية من أخي La quantité du moins, on n'a pas, ça n'existe pas. Laitana atfala. Atfala. La. Laitana aywa. Laitana atfalo. Atfalo. Pauvre de nous, nous soyons des enfants. Laitani shab. Pauvre de moi, que je ne sois un jeune. Ça, c'est un vieux qui dirait ça. Aywa. Laitali. جناحان لا جناحين نعم لا الاسم الليتا سي جناحان إلي سي جار مجرور متعلق بخبر معطوف نعم pour le mot que je n'ai deux ailes ليت النجوم في متنا في متنا ولا أيدينا et là ce que les étoiles nous soient à portée de main à porte de main. Il n'y a pas l'aïta au féminin. De... L'aïta, c'est haf. L'aïta, aïon. Comme la Allah. C'est comme la Allah ou comme inna. Après, tu peux accrocher le damir. L'aïta qui, l'aïta ka, l'aïta ni, l'aïta hu. Non, l'aïta, la fia. Tabi, tabi. La haine, la troule fi, la, elle n'a fia de jins. Ça, c'est parmi Adam ibn Abwa ben Mansoubat. Il y a Asma ben Mansoubat, la troule fi Adal Bab. يقول يشرح معنا لا داعي للخوف نبذون أبقى كان أكرا في النص هذه لا النافية للجنس يبنى اسمها على منصب به أفت لا لا النافية للجنس تعمل عمل إن شيئا ما لا اسم وخبر لكن اسمها في شيء اسمها هو مبني على علامة نصبه علامة نصبه الأصلية والفرعية بعد لا نافية الجنس سيكون مبنيا على هذا مثلا لا داعي للخوف ولا داعي اسم لا مبني على فتح في محل نصب هكذا يقال ولا داعي لا بوزون دابلي pas besoin لا داعي ذلك il y a pas besoin de faire ça pas de raison لا سبب ما لا سبب وحاجة يقول وذلك إذا كان مفردا أي غير مضاف يعني اللي مبني parce qu'il est singulier ou plutôt quand il est individuel parce qu'il n'est pas مضاف طيب مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه c'est le livre auquel il n'y a aucun doute اولا ما معنى لا comme le lambda نافية للجنس هذه لا تنفي كل فرد من الأفراد من جنس المذكور. Elle fait une négation et rejette tout, toute chose appartenant à une catégorie, une catégorie, un spécimen ou une race ou un genre. Par exemple, quand tu dis la rajula fid dar, il n'y a aucun homme dans la maison. Kuluma fi jins rijal même si on a un homme. La rajula fi dar, il n'y a aucun homme. Aucun, pas un seul. Hein? La mrata fi dar, il n'y a pas une femme. Hein? Elle te fait une négation de tout le genre, ou la catégorie, ou le spécimen, ou la race, c'est un animal, ou quoi, de la chose dont tu parles, du ism en fait, de son ism. Hein, t'as là مثلا يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه c'est le livre dans lequel il n'y a aucun doute ريب معنى شك يعني القرآن Dans le Coran, il n'y a pas un doute dessus. Il y a ni pour le musulman. Un kafir, ou un khlas. Pour le munafiq, kazalik. Un musulman, il ne doute pas du Coran. Il y a qu'il y a le Coran, kalam Allah, wa khayrul kalam, wa fi huda, wa nur, wa sidq. Fala, كيف تقول في لا ريب في اولا ذلك الكتاب il y a plusieurs dialogues on peut faire ce verset ذلك ça peut être مبتدا الكتاب خبر طيب ça peut aussi ذلك مبتدا والكتاب بدل Il y a plusieurs dialogues. Non, on ne peut pas dire le kitab khabar puisqu'il est ma'arif. Là, zalika, le kitab. Ça, c'est le livre. Mutada khabar. Je veux dire, c'est, tu peux dire quoi ? C'est le livre. Et tu pourrais t'arrêter là, si tu veux, au fil. Et après, tu rajoutes, au sujet duquel il n'y a aucun doute. Tu peux te dire, ce livre. Là, c'est quoi ? Zalika le kitab. Là, le kitab, ça va être quoi ? Badel. Il y a plusieurs dialogues qui sont plusieurs hypothèses. Amshay Shahid, la roi bafi, la haf, la nafil jins, la nira sukun, la mahallahu, ni la rab. Wa roi ba, ism la, memni, à la fath, fi mahal naf. Fi mahal naf. Wa fihi, jar majur, ta'ala bi khabar, khabar la. كذلك لا إكراه في الدين نلقون خطأ الرجل تمام وثالثا وفي الحديث لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب كتبت عربة أفنوة تغرب الشمس رواه أحمد الذي فالصلاة من الغداء Al-Aghdad, c'est l'aube. Sans voulu, c'est une fajeur, en fait. Hattat l'Arasham, c'est-à-dire une fois que tu as fait ta salat du fajeur, tu n'as plus de salat à faire tant que le soleil ne s'est pas levé. Ou la salat avant l'Asar, Hattat l'Arasham. Et après, tu fais le salat de l'Asar, pas de salat jusqu'au quoi au coucher du soleil. À part les salats khassa, comme Tayyat al-Masjid, ou l'Istikhara, cela tu peux les faire. Ou le janaza, naam. Hatta janaza. Janaza, par exemple, tu l'as fait après le shuruk. Tu l'avais pas après le shuruk direct. Et même l'asar, et en fait, il y a un temps. C'est pas n'importe quand pour l'asar. C'est quand le soleil commence à être jaune. C'est là que c'est interdit. Alors, en fait, tu peux. Tu vois ? Mais il y a un moment où vraiment le temps, il est. T'as le temps de contrainte, et t'as le temps interdit. Tu vois ? Le asar, c'est spécial. Tu peux encore, t'as un petit temps, tu peux encore faire une salade. Après, t'as un temps, c'est fini. Au moment que le soleil se couche. Amel Fajr, une fois que tu as fait salat le Fajr, voilà. Et que le soleil commence à se lever, pareil, je ne suis pas salat. Jusqu'à ce que le soleil soit un peu élevé. À part salat, comme je t'ai dit, Istikhara, ou rakat al-Mahd al-Wudu, celui qui fait le wudu, il parle de rakat, il peut. C'est un truc spécial. Il y a un khilaf, mais le col authentique, c'est que les salats, qui ont une cause spécifique, tu peux les faire. Wallah alam. طبعاً أولاً هذه شروط لا نفي الجنس لكي تعمل فيها شروط هذه كونديشن أولاً أن يكون اسمها نكرة أولاً que son nom soit indéfini وأن تباشرها وأن يأتي بعدها مباشرة que son اسم vient directement après elle ma fille forcée bien ou pas il n'y a rien qui le sépare il vient directement après elle par exemple l'aucana ismoha ma'alifa ma ta'amel t'as coulé le je ne sais pas comment un exemple t'as coulé le la'ibadullahi في النار Pas du serviteur d'Allah au feu éternellement. Là, je parle serviteur, ça c'est le khas, les musulmans. Parce que même le kafir, c'est abd. Tu vois, malgré lui, il fait ce qu'Allah lui a contraint. Là, je vise les musulmans. Là, ibadullah, il va être ma'rifa. Pourquoi? Les mudaf, hein? Ma'rifa. Donc là, il va être quoi? Il va être mubtada marfoua. La ibadullah. Il ne faut pas dire la ibadallah. Ça n'est pas musulman. Pourquoi est-ce qu'il est ma'rifa? Donc là, le choc, s'il tombe, il n'y a pas d'amen. Il n'est pas musulman. Il n'est pas mamni non plus. Ou à chaque année, il y a ismouha mbashara. Mais c'est un occulta. La fidda rajulun. الان ايش جاء بين لا واسمها جاء الخبر في الدار دونك لا ينفصل دونك تجي رجل انت با دي رجلا طيب يفوت جي ديريكتومون على رجل في الدار الى ناشره الى ديريكتومون فلا لا تعمل و سي جامي il vient entre la et son ism infasil c'est obligé de le faire répéter son ism le la comme le la Tu veux dire, مثلا, la fida rajulun, ou la kalbun, مثلا. Il faut que tu reviennes avec un autre là et un autre ici. T'as cool? Dans la maison, il n'y a ni homme, ni chien. مثلا. Et alhamdoulilah, qu'il n'y a pas de chien, parce que là-bas, le chien dans la maison, ça t'arrive. De toute façon. Mais bon, c'est jamais. Il rentre comme ça, sans que tu t'en sois aperçu ou quoi. Si tu bêbes nuit, c'est le bordel. Le chauffeur. Le chauffeur, les idoles. Elle a, t'as un carré. Faut pas non plus qu'elle se répète. Maintenant, tu dis, la rage ou la fida, ou la mra. La rage ou la fida, ou la mra. Vous voyez, ou la mra. Si jamais tu répètes, avec la présence des conditions précédentes, ça veut dire qu'il est d'acquéreur, qu'il est directement après, alors là, tu as le choix. Par exemple, dans la rage de la fida, dans la mora, tu peux dire les deux. Tu peux la faire travailler, comme tu peux l'annuler. Tu peux dire la rage de la fida, dans la mora, tu peux dire la rage de la fida, dans la mora. S'il se répète, mais que les deux conditions sont là, tu as le choix. Tu peux la faire travailler ou non. Mais les autres conditions, si elles sont annulées, ma fille amène. Elle n'agit pas. Et le ism, son ism, il y a quoi? Moutada, mal fort. Fakat. Il y a moutada, mal fort. Tamam. Yaqoul, kawul jumalan, mil kalimat al-atiya, mustamilan, l'an afi al-jins. Donc, compose des phrases en utilisant le mot suivant, utilisant l'an afi al-jins. Yaqoul, هذا الدواء مثلا entre parenthèses ضرر nuisance تقول هذا الدواء لا ضرر فيه ce médicament ne contient aucune nuisance تفضل ثانية هذا المجلة هذه المجلة لا فائدة فيه لا عيش لا فائدة لا ومني إذا ما في تنوين لا فائدة في أيوة تبي هذا تمام ثالثا أيوة في المجازين لو كنت شوكين شليته هذه المسألة لا خلاف فيها ce sujet ne contient aucune divergence La hajata il al karasi al an. Pas besoin des chaises maintenant. La milha fi hadha al ta'am. Il n'y a aucun sel dans cette nourriture, dans ce manger. La masila li hadha al talib fi al jami'a. Cet élève n'a pas d'équivalent. Cet élève n'a pas d'équivalent dans l'université. نعم تفهم الآن في الجنس نعم وهذا يترك في باب المنصوبات نكمل بتاسيع يقول تعمل مثلاً المثال ثم أكمل الناقص صحيح أقول أو تحذير تذكر تحذير إياك وكذا إياك والكذبة فقلنا يجوز أن تقول إياك والكذب إياك أن تكذب وإياك من الكذب il n'est pas marqué dans les marchandises il est dans le même phobie il est dans le même phobie tu peux dire il n'y a qu'un intakziba tu rzef al waw comme le masdor al mu'awwal si jamais tu dis un tu ne fais pas waw mm-hmm. fais la même chose avec les phrases suivantes il y a qu'un wazzina il y a qu'un intazni لا يكون أنتم نعم يكون أن تزنو ثالثا إياك والنوم وقت الصلاة إياك أن تنامي وقت الصلاة نعم إياكن والحسد إياكن أن إياكن أن ي يحاسبنا أن تحسبنا أن تحسبنا نعم ممني هذا اتصال بي نور النسوة نعم وإياك والنوم وقت الصلاة وقت ماذا الرسول ما هو ما يعرفه إياك والنوم وقت الصلاة ما يعرف وقت وقت الصلاة ظرف زمن نعم ظرف زمن فاليوم أخذنا إيش وزن تفاعل هي بمعنى المشاركة أو إظهار خلاف ما في الباطن فاللي فدت في بعض الكونفرنس كي مسوا أو إن أكشن غروب أخذنا لنا في الجنس التي تنصب اسمها يعني في محل نصب هو مبني على علامة نصبه وهكذا وأخذنا ليت كذلك من حروف ليت من حروف المشبه بالفعل من أحاول إن تنصب الاسم وترفع الخبر في سؤال معنى متشائمين C'est pessimiste, c'est ça? Non. Et au mardi, ça fait tasha ama. Tasha ama. Il y a tasha ama. Ma femme? Non. Taïeb, wa ilawna. Subhanaka, l'homme, wa bihamdik, la ilaha, anta astaghfiruka wa atubu ilayk.